lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Hent ar brezhonek, kentel pemkan an warnugen eri. Ça fait 521, ça. 521, oui. Et alors, pour guerrier ou hors-vue, on va parler d'un mot qu'on entend assez souvent, qu'on entendait surtout autrefois, d'ailleurs, qui est chatal. Chatal, qui est un mot masculin qui signifie bétail. Alors, chatal. Alors, t'as déjà entendu ça, sûrement. Je crois pas. Non, peut-être que c'est d'usage un peu... plus ancien. Et donc, c'est un mot qui a été emprunté au vieux français châtel, qui désignait les biens et les possessions en général. D'ailleurs, en économie rurale, on parle de cheptel vif et cheptel mort. Hein. Le cheptel vif, c'est les animaux, et le cheptel mort, les machines, en gros. Donc, ce français châtel, donc, vient de capitale, hein, donc, du latin, hein, qui a donné également le mot capital. Alors c'est assez curieux parce que le mot français normalement c'est cheptel, hein, et c'est devenu capital par reconstruction à la Renaissance. Parce que normalement un mot avec un cas dur en latin donne un che, quoi. Donc voilà. Donc le mot capital et le mot cheptel ont la même origine. Et le p de cheptel a été rajouté parce que c'était châtel. Et au XVIIe siècle, les grammairiens ont rajouté le P pour rapprocher du latin, quoi. De même qu'on a mis un P à loup, par exemple, pour rapprocher de lupus, quoi. Donc on a créé, en fait, des choses étranges dans l'orthographe française à cette époque-là, quoi. Au XVIe et au XVIIe. Alors c'est un mot masculin, mais qui est souvent utilisé comme collectif, hein. Donc, c'est un mot qui est en fait à la fois un singulier et un pluriel. Et il n'y a pas de pluriel régulier, quoi. On pourrait dire châtelier, mais ça ne se dit pas beaucoup. Alors, c'est pourquoi, pour dire un seul animal, on va dire penchâtal. Alors, penchâtal, hein, comme une tête de bétail en français. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'expressions avec ça. Par exemple, châtelcorn. C'est les bêtes à cornes, hein, dont Saint Cornélie est le patron. Hein. Il y a Saint Herbaud aussi, hein. Mais Saint Cornélie, on le représente souvent au milieu d'un troupeau comme ça, puisqu'il avait été sauvé justement en se dissimulant dans un troupeau. Il était poursuivi par des légionnaires romains et à l'époque des persécutions. Donc, châtal-corn, hein, des bêtes à cornes, bouée de châtal, les aliments du bétail. Penchâtal, je l'ai déjà dit, hein, une tête de bétail. Car châtal, c'est un mot qu'on n'entend pas très souvent. Au har châtal, c'est une bétaillère. Hein. Alors, il y a un verbe aussi qui était dérivé de châtal, hein, châtalat, qui est garder les troupeaux. Ça se fait plus beaucoup, maintenant c'est électrifié, mais dans le temps, on gardait les troupeaux comme ça. Alors, châtal-bras, hein, le gros bétail, les bovins, en fait, et châtal-munud, le petit bétail, c'est-à-dire surtout les moutons, voilà, et les chèvres. Hein. Donc, des expressions, priser châtal, le prix du bétail, hein, marader châtal, hein, le marché du bétail, qui est à la fois un marché physique et un marché économique, quoi. Le marché au sens abstrait, quoi, et le marché physique, hein, c'était très très important autrefois à Marader Châtel. Hein. Voilà, le marché de Rostronin, le marché de Calac. Hein. C'était plus drôle que Plérin. Hein, ah oui, c'était plus animé, et puis on y passait la journée, comme ça c'était assez intéressant. Oui. Châtel-Lard, hein, du bétail de boucherie. Hein. Voilà, long de corne, je l'ai déjà dit. Et alors, pour terminer, un dicton, « Ur bleil l'air pen châtal, ur mahadur l'air réel ». C'est pas gentil. Le loup prend une tête de bétail et le marchand vole les autres. On va terminer là-dessus, sans commentaire. Oui, sans commentaire. On passe à la seconde partie. Brézonnec, tam, tam, héri. On est toujours dans le dictionnaire gaulois. Oui, alors, on avait terminé pour Samain. C'est assez étonnant parce que ça tombe, on enregistre la veille de la Toussaint. On l'a pas fait exprès. Non, mais c'est une émission d'actualité. Elle t'a raison, Nick, Eric. Voilà. On avait vu ça, donc Samonios, hein, le premier mois de l'année, hein, chez les Celtes, qui est le mois de novembre, hein, et qui commence par la fête de Samain, qui est devenue la Toussaint par la suite, et puis Halloween, etc. Voilà. Alors, sapo, c'est un mot gaulois qui a donné le français savon. Voilà, savon qui est un produit obtenu par une réaction chimique qu'on appelle la saponification. Autrefois, dans les campagnes, on faisait des savons comme ça, de façon artisanale, quoi. Voilà. Des plantes saponifères. Oui, des plantes saponifères, oui. Ouais, oui. Ouais, oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le savon. Tiens, un jour, on fera peut-être une émission sur le mot savon. Ouais. Très bonne idée. Swan, en breton, quoi. Voilà. Et... Alors, Scobies, qui est le sureau, et ce qui est, en breton, c'est sco, hein, donc c'est très proche, hein, du gaulois. Le pluriel. Hein. D'accord. Oui. Voilà. D'où la ville des Côtes d'Armor. Voilà. Enfin, on ne sait pas si ça vient de là, mais en tout cas, on peut faire un beau jeu de mots là-dessus, Skiviek. Hein. Et d'ailleurs, je crois que le club des anciens s'appelle les sureaux fleuris. Oh, c'est mignon. Oui. Donc, séno, ça veut dire vieux en gaulois. Hein, c'est très proche du latin, là aussi. Alors, comme d'habitude, quand on a un S en gaulois, on a un H en breton. C'est hen. Hen qui est... Hénan, le frère aîné, ou Hénaf, le plus vieux. C'est plus tellement utilisé. Le mot cause a pris l'avantage. Mais enfin, bon, c'est... C'est quand même, on trouve ça quand même dans beaucoup de mots, hein, voilà, de mots composés. Par exemple, alors il y avait beaucoup de noms de pays gaulois, de pays ou de petites villes, hein, qui étaient en Séno comme ça. Par exemple, Sénomagos, hein, qui a donné Sénan. Sénomagos, le vieux marché. En breton, on dirait Rouervat. Voilà. Syros, alors, c'est le même phénomène. Hein. Syros, ça correspond au breton hir, long. Hein, sur le même phénomène, c'est-à-dire le S en gaulois qui donne H en breton. Voilà. Alors, so, c'est l'équivalent, c'est l'adjectif démonstratif en gaulois qui se... Donc, il correspond à ce en français, mais qui se met après l'objet. Par exemple, on dit, en breton, on dira un dins. Ah oui, cet homme-là, hein, ça se met après, quoi. Et curieusement, en gallo, enfin, c'est pas curieux, mais ça se dit comme ça aussi, la bête-là. La bête-là pour dire cette bête-là, quoi. C'est assez marrant qu'on retrouve des similitudes entre le gallo et le breton qui sont influencées au cours des siècles, comme ça. Sparnos, c'est pas difficile, hein, c'est l'épine, c'est le breton sperne, hein, et ça a donné des noms de lieux comme Épernay, par exemple. Hein. Voilà. Talos, qui veut dire le front, c'est le breton tal, hein, et ça a donné le mot français talus, qui est un front comme ça, oui. Voilà. Tano, avec deux N, c'est un des noms du chêne. Il y a plusieurs noms. Hein. On a déjà vu Cassanos, hein, qui a donné en français le tan, hein, qui est l'écorce de chêne qui est utilisée dans les tanneries, hein, pour tanner la peau. Tout ça, c'est venu de ce mot français. Et c'est un mot qu'on trouve... aussi en vieux breton, hein, que ça a donné les multiples danouettes, hein, tanouettes, hein, donc qu'on trouve un peu partout. Il y en a presque un par commune. Hein. Il y en a un à Pemrite, par exemple. Il y en a un à Bourbriac. Hein, et ça vient de là, tanouettes. Hein. Voilà. Alors, toujours en T, Tarvos. Tarvos, le taureau, qui a donné tar en breton, taro. Hein. Et alors, ou hall et terre, hein, le taureau, quoi. Tar. Voilà. Tegia, qui veut dire toi. Donc, maison, hein. Et donc, qui est rapproché du breton ti. Hein. Teuto, c'est un peuple, une tribu. Hein. C'est un très vieux mot, hein, ça a donné aussi les teutons, hein, qui étaient les tribus étrangères, quoi. Les teutons, tout ça, c'était des teutons. Ah d'accord, je pensais que c'était les Allemands, moi, les teutons. Oui, ben c'est ça, oui, c'est à cause de ça, parce que pour les Gaulois, c'était des étrangers, donc teuto. Hein. Et ça a donné, et on retrouve ça en breton, tut. Hein. Et puis il y a aussi le dieu du peuple, hein, le père du peuple, Peutatès, hein, qu'on trouve souvent cité dans Astérix, hein, remarquable bande dessinée pour qui veut se cultiver. Exactement. Ah oui, c'est extraordinaire. Teutatès, hein, par Teutatès, hein, ou Tutatis. Hein, parce que là, il devait y avoir des déclinaisons. Alors, c'est bien qu'on trouve plusieurs fois, on trouve des mots un petit peu différents. Parce que dans la phrase, il devait y avoir des déclinaisons, comme en latin, et on trouve des formes un petit peu différentes. Et puis, on va terminer par le mot qui désigne un hameau, un village, hein, qui est très bas, hein, hameau, village, hein, qui est en breton l'équivalent de très, hein, comme Trémargade, par exemple, pas loin d'ici. Voilà. On termine. On va s'arrêter là-dessus. Et on passe à Petra Zonevervro. Petra Zonevervro. Ben, Calzedra ou Evelgius Buervis Diusan. Krogum de Dientan Evelkis Acustum Gandela Bourdouar Agandorvue et War Armes. Eruon Bremen Bamis Du Agenamzeres Obit Clouarwar Betag Bremen. Zerma de Beden Trevadu Evit Kard Buit Evit de Londres Pader Gwan. Dalar Ade Ermais Ag Betraves. Gwelve a Betraves Hatton Bavro. Hein. Ag zezon dravad, ka betraz ou bouet dispar, vid de lond, de vel just. Ne vesso oa ba duot, pe on komz deus trevadou, em vod guini e gourien, breiz, de la rade a re neus plant guini de gaout rezin, a dober guin, ka amme ve gret guin, gant le ne batut, ag setu oa gret, on aime vote de Zendutze, bah, duot, puis dur, Strolad, ou Abécrouet, bah, duot, des glaçaux. Ag, quand un Dutze veguet de Gwyn-Gwen, Alissand veguet de Gwyn-Gwen, ag, vécho, Gwyn-Ru. Avel Meslar a déjà des glaçaux, ou Abécrouet, Strolad, bah, duot, juste voir, c'est tu, pérègne, une grède, un aime vote blanc, bah, duot, quand on tombe Gwen, à Gérard Hall, zone d'énormément, bah, Grace Brace. et président de Gevredigas. Gérard Hall, zo chom badouarn, badouarn ene, met bon bede regamad, ba breizam, ba kreiz breizam, an eus skriv traoù di war ben, di war ben evro an mem. Di war ben ar guini. Di war ben ar guini, ya. Bon, pelzo evel just ve gait gruin, ba breiz, ba bronan oulad evel just, hein. Met on tamm e pebler, breiz mem bestra, a ma chanj en amzor. Skolant, sur Pellarin, ma, de vos mûres guin, bah, non, sur deux sons de Breiz. Bon, mine velim que zim, mais ton d'oreille m'a treize. Vegel, moi, comme je tarde ce stall, les sinutra, zobeza, bacarez, et vidor bleu de l'aise, vid bugal et brochina. À juste voir, mar et man, zo calz bleu de l'aise, ou remarat. Plus dur, 300 000 tonnes bleu de l'aise, Pout de lait, ma peçon, in galak. Zo bet pren et gant bro Europa, aspen tri eugen mil, ba brovranz en main. Anne que zur, vos karat gwerz, evit tout d'or bleu de l'es, benefin, hein, bon, gwelleret, kude nous o de mod gant de l'es, boe, neus ke kota yautin. Bon, dans mon temps, moi, d'achen un endro, bavro, bavro hermeni, l'herve est, vegred calze drou or gomun nevez o bezavet hein bon ek da ba mis chen vor vo krog grand zi or gomun nevez grand tout de parouge ou rog ba strolat commune ou armené a genor ve clasque de ne bla bla yo zo or mode de vont de vous démeren ma peswan ou ardach en energies un da square ve clasque de momenou nerz neve ba place de nioulmeigne ma place de pétrole, ma carrette, vel youl colza, ag hydrogène, ag bob sortant, ag justement, d'or marément, avec red, avec assoarog, babro, hermené, er mené, vel arbadus, hein, er mené, studiaden, vidim, plis jeune trédant, youl colza, ag un hydrogène, vid casoarog, un otoyo, ag studiaden, ze, vos gred, grand père, des nyawang, zo hober au studi, bascol, Insa, ba, roazan, hein. A, ple, pal, studiaden, ze, et, kavou de, mot, neve, ma peswan, de gazen trou, de boudem ren, roger bla, pem, pem warnugen, bla auton, hein, d'auville pem warnugen. Pe, on a comme de ze, energies, stala pro bois, de scarez, zo hond de stal neve, ba, Ben, Rostren, ou Arnin Kergris Mouelou, hein. Ag, Estal à Probois, zo, Scope, ag, zo, Rala, bourg de Calze Dut, ag, tu d'empêches de Cazne, abastal, Rostren, vos grède, grenen, quat, et vite tombo en tir. Ag, mesang, vos grède, calze, hein, grenen, quat, dis, vite tombo en tir. Azizoma, plusieurs vos classes que tu de la bourrate, bastal neve. De ce politiquer, ne gombzin que cal, leur végement. Plus dur, leur politiquer, y'en ne s'occupe de quand leur votade goût de zone. À passe, cal, quand cudé, nous, leur vro. Même stras, au diviso, leur marément. Babro, crise braise, leur hop, velvelard. Plus dur, ma treize, un nouveau grade, leur prête, leur sort bro, mais quand trop dis handwell. Ag, bon, n'est que zur, roi, c'est en beau jeu, zo très, par rouge, bon, guelvo, puis sa mode vocon. Dampta war hender zevenadur, brom, war dash en nevesadur. Zevenadur. Neveso, bar roison, war bed gred au nem vaud, gand calze dut, evit combs de spolitiquer, reser en vro, evit or brezonek, evit yez ou breiz benefin, pelar imperion, brezonek ag galowek. Ag ar oa bro de kan hantor kan de du de vicomps de ze rei o jonj war en traouze. De ugen lasso, déjà, plus dur, oa bet kro de skol diantan di wand, ba lambol pou dalmeze, denez a bernod war meskol, meskol diantan oa bet, a pembug loa ba skol. Ag oa lerze oa bezav de skol yuel gant di wand, a classe où di ouyez, gant di yez a di hun, Hag boe, kresk tamm a tamm un hiver an eus kolidi. Met chombor an pell me mestra oa l'air pezve gwellet ba Elzas pe ba Neuskadi, hein, pe ba Bro Corsica. A gouskoude, e vreton un karoyez un eus gret ur mur an eus trivou e vid zei. Met ziroar pen ou braz an men n'en ket kalz e youl war zei, quoi. A benefin, bon, n'a ket gwal vouniz un traou. War ma mestache en tache en ar brezondek, Yannick Kerlogot eus o bremañ e kark deus e yez ou breiz, ba kouzul departement o en ar vor. Hag hem eus o an ar vod mad bavro, eus o din an parloar en dachens, hag ezel deus kouzul mer an ar kabe. Bonne chance vorad la ramdan war an dachens. Ne vit change crac à crac de ce que quoi le belzo ou abed de disclairier de carta trop brohal un tour de France je vais là dans une heure dire à que blanc me vos dipite de réseau d'idées ne grandi plus dur ne drame que tombé de bavro bavro brais en menan n'a tombé de bacucho le ro ouais. Hag bon, redo ben e blan bezañ ra tram no ba e breiz. War an dach an el oaz, prestig e vo echu en abaden evit ar chad an tele Armor TV, oa be krou e deglaso, ba mis gwen golog da bil c'hwer, hag un antor deus an erran evit gero d'Armor TV gant un departement o d'ou an arvor. Hag kuzul un departement un divise de dihan de reier han de Armor TV hag bon setu man ur chardens o vond de blat ba fin de blat tu meus bet de gomstar vej ou de Jean Rohou bet skrive de gantan deja daoulever han de fils de plouk hag un dri et zo ton mes hag aze Jean Rohou gomz de ze Deuxi amzer war veloa kelen ar baskolveur hag dize venoz yu war dachen diskadurez. O pez lever, hein, Jean Rohou skrive leverio hir. Piont komz deus leverio oaz, ne veso a bezroet priz tier karez de Daniel Cario evidi lever les chemins creux de Saint-Fiacre. Daniel Cario, zo on den a zo began ba faouet, hein, ur bla eiz a daougen, hag bede meskol med skriven, an a ede dreistol, vel skriven ur skriven eus ugen lever beneket, leverio war ur zon erez, a leverio vel le sonneur de hal, la musique en bandouillère, pe la complainte de la grive, leverio a zo skriven de brau a bra de len. Bon, setu un dravad vid Daniel Cario. Bon, c'est une tombe de spessonné ve bavro, hag hom de l'art kenavo d'art tout, kenavo d'art Morgan. Keno eri.